voici Guillaume Guise. Chaque semaine, ça devient de pire. On l'a dit, mon cher. Les lancements sont de plus en plus cruels. Mais non, on est là. Ça va, les amigos? Oui, non. Alors. Moi, je suis au top. Je reviens de Biarritz, là. Génial. J'aime tellement les Côtes d'Armor. J'ai deux passions, les Côtes d'Armor et la géographie. Vraiment, et les blagues faciles aussi. Putain, trois passions. Je m'ennuierai jamais dans la vie. Je me suis pris une petite semaine, là. Mais non, je m'ennuierai jamais, j'ai plein de passions. Oui, j'en pouvais plus du boulot, vraiment. J'ai quand même fait une chronique la semaine passée, lundi, 3 minutes 14, lessivé. On a des rythmes, c'est vraiment, tu te dis, mais alors, ça, du burn-out. Et du coup, je me suis pris des vacances, je suis parti seul. Je sais pas, j'avais besoin de faire le point, franchement, sur ma vie et tout. Mais bon, c'est 4 heures de train, Biarritz. Le point sur ma vie, je crois que je l'avais fait avant d'arriver à Dax. Vraiment, il était... comment j'ai surestimé ma complexité de ouf. C'est pas grave, j'adore partir seul en vacances, vraiment. Et après, clairement, voilà, il faut aimer la solitude et tout. Moi, j'aime pas. Donc, c'est dommage, mais c'est con. Mais y a pas que des inconvénients. Au moins, quand t'es seul en vacances, y a jamais personne qui dit: mais attends, on va quand même pas rester toute une journée autour d'une piscine. Bah, si. Et je vais même recommander des rognons. Et oui, tu dois rendre compte à personne. C'est formidable. Tu vois, genre, un soir, j'allume la télé, il y avait un reportage hallucinant sur Evangélie. Et ben, ça accompagné, ben, peut-être je leur aurais pas donné sa chance à ce reportage. Et ben là, j'ai fait qu'apprendre des trucs. Evangélie, elle est fusionnelle avec son chien. Moi, j'en savais rien. Vraiment, c'est vrai. Quand t'es en vacances avec d'autres gens, c'est toujours plus compliqué, je trouve, parce que genre tu t'amuses et t'as pas du tout envie de rentrer. Alors que quand t'es en vacances tout seul, rentrer à un moment c'est une question de vie ou de mort. Même vous, je suis content de vous voir ce matin, mais je vous ai croisé ce matin dans le couloir, Nagui, ça m'a fait plaisir, limite, tu vois, à mon âge, quoi, des nouvelles émotions, c'est quand même incroyable. En vrai, je croyais que j'allais rencontrer des gens à l'hôtel et tout, mais avec des gens de 65 ans, le flair. Moi j'ai bien choisi, moi, là au culot, j'ai sorti mes mots fléchés, tu vois, comme appa. Vraiment. Et il y a une vieille qui est venue, elle m'a dit: moi c'est pas mon truc, mais ma mère arrive demain, quoi, tu vois. Et de fait, j'aime pas utiliser le mot couple, mais tu vois, je crois qu'on a quelque chose de très fort avec Yvette. Et chaque fois je me dis je vais adorer la solitude. Et c'est pas faux, mais il y a des jours où c'est long. À un moment, ça me manquait trop de parler. J'ai réservé un massage, vraiment. La dame, elle m'a mis de l'huile, je lui ai fait: je vous ai raconté mon enfance. Elle m'a dit: relaxez-vous. Je dis: non, sûr, parce que j'ai vraiment une anecdote super sur mon doudou. Vraiment, il fallait que je parle. Milieu de semaine, j'ai fait le conseil municipal. Vraiment, j'ai lâché un amendement sur un dodan. Je connaissais même pas la rue. Vraiment, tu vois, j'étais confronté à moi-même. Et forcément, ça rend mélancolique parfois. Il y a des moments, j'avoue, il m'est arrivé de regarder l'océan pendant longtemps en écoutant Michel Berger. Tu vois, il y a des poissons qui sont sortis de l'eau, ils m'ont dit: frère, reprends-toi. Il y en a deux, ils sont devenus amphibies. Vraiment, ils m'ont dit: putain, c'est trop bien, la terre ferme. Ils ne connaissaient pas le concept de sprit. Vraiment, c'est ouf. Je les connaissais d'avant, d'une chronique d'il y a 2 ans. C'est des cabillauds. Il y en a, ils s'étaient laissé pousser le bouc. Méconnaissable. Eh bien, ceci dit, je suis plus habitué de faire des sans masque, en fait. C'est trop bizarre dans le rythme, ça change complètement. Je te jure. Ceci dit, Biarritz, c'est sublime. J'y vais chaque année, j'ai un rapport hyper fort, moi, avec l'océan. Tu vois, j'ai vu Bienvenue à bord, j'ai aimé. Vraiment, donc j'ai vraiment un rapport très fort à l'océan. Faut vraiment... Par contre, j'avoue, j'ai pas fait de surf cette année. Par respect pour le surf. Chaque fois que j'essaie de monter sur une planche, il y a un feu de forêt qui démarre quelque part. Il faut savoir vraiment accepter les signaux de Dieu. Vraiment, je crois que Dieu, son projet pour moi au niveau aquatique, c'est le flamant rose de piscine. Grand max, pas plus, tu vois. Et puis, il faut accepter deux choses à Biarritz. La première, en ce qui me concerne, c'est que j'ai aucune chance avec les femmes là-bas. Il y a trop de surfeurs et ils sont trop beaux. Mais bon, à l'hôtel, voilà, ils te mettent des échantillons de gel douche et de crème hydratante. Sexuellement, si t'arrives pas à te débrouiller seul avec ça. À mon âge. Le truc, accepter à Biarritz, c'est la météo. La météo, les schizos, à un moment, il fait beau. 4 minutes après, c'est le déluge. Il faisait magnifique partout en France. Moi, j'ai eu un de ces orages. Je vous promets, dans ma chambre d'hôtel, était inondée. J'ai retrouvé les poissons sur le porte-valise. Ils m'ont dit: putain, ça t'embête si on reste un peu. J'ai dit: je préviens, j'aime pas quand on ronfle. Vraiment, genre dans l'océan, ils ont pas de lit queen size. Et ben, le lendemain, il y a eu une mini éclaircie, je vous promets. Je me suis dit: je vais enfin pouvoir me baigner. Baignade interdite. Le flair, je vous dis, le flair. Le sauveteur, il m'a dit: il y a trop de bactéries dans l'eau. Je lui ai dit: attends, j'ai déjà bu à la même bouteille que Daniel Morin. Il m'a dit: ok, mais alors pas trop loin, vraiment. Tu vois. C'est pour ça que je suis revenu, les gars. Même si depuis hier, putain, il fait enfin beau à Biarritz. Le flair, je vous avais dit. Allez, bonne émission, les amis. Merci, Guillaume.